Mardi 4 juillet 2018. Hier soir, à Nantes, dans le quartier du Breil, un jeune d'une vingtaine d'années a été tué lors d'un contrôle de police. Il s'appelait Boubacar et il a voulu échapper à un contrôle d'identité poussé. Il a fait marche arrière en voiture et il a été abattu. Il y a une semaine de ça, Acrimed sortait un article qui me semble vraiment super important de diffuser et qui s'intitule Violence policière, la préfecture vous informe. Il a été écrit par Patrick Michel et Pauline Perrineau. C'était le lundi 25 et c'est à retrouver sur le site d'Acrimed www.acrimed.org. En voici la lecture. Violence policière, la préfecture vous informe. Des ZAD aux quartiers populaires, des manifestations réprimées aux universités occupées, certains des sujets qui occupent beaucoup le temps d'antenne, d'articles et de dépêches ont à voir avec les agissements des forces de l'ordre. Très régulièrement, les journalistes travaillant pour les médias dominants sur ces sujets sont confrontés à une critique sévère, issue en partie des personnes ayant vécu les événements de l'autre côté de la matraque, en reprenant sans recul la communication de la police ou de la gendarmerie, leurs articles et reportages occultent la violence des forces de l'ordre, ou la présentent systématiquement, quoique plus ou moins explicitement, comme légitime. Pourtant, leur version des faits s'en trouve souvent biaisée, voire mensongère, bien qu'étiquetée officielle, ce qui serait un gage d'objectivité. Pour Acrimed, qui réfute l'idée d'un complot journalistico-policier et qui cherche à comprendre quelles sont les conditions qui favorisent la production de ce type de mauvaises informations, voire, dans certains cas, de désinformation, la question que nous posons, ironiquement, est alors la suivante. Mais pourquoi sont-ils aussi méchants? Qu'il s'agisse d'une intervention d'une BAC, Brigade Anticriminalité, ou d'une BST, la Brigade Spécialisée de Terrain, dans un quartier populaire, des méthodes et des armes utilisées par des CRS ou des gendarmes mobiles lors de telle ou telle manifestation, des blessures infligées par les forces de l'ordre aux occupants et occupantes des ZAD ou des universités en lutte contre la réforme ORE. Les exemples sont nombreux. Lorsque des policiers ou des gendarmes sont impliqués dans des événements violents, la communication des pouvoirs publics peut entrer en concurrence avec d'autres versions des événements portées par les victimes ou leurs familles ou des témoins de ces événements. Bien souvent, pourtant, et même lorsqu'elle est grévée d'incohérences ou d'invraisemblances, c'est la version policière qui a les faveurs des médias dominants. Une dépendance structurelle vis-à-vis des sources policières. Pour comprendre la primeur donnée aux sources policières, parfois au détriment de la vérité, il est utile de s'intéresser aux pratiques de certains journalistes entretenant une relation de proximité avec les forces de l'ordre et qui construisent leur carrière sur les informations que cette proximité leur permet d'obtenir. À l'échelon de la presse quotidienne régionale, il s'agit des faits divers, les faits diversiers. Ces journalistes chargés de remplir quotidiennement la rubrique des faits divers. Accidents domestiques, délits plus ou moins cocasses, crimes vraiment tragiques, localement la police est quotidiennement en charge d'affaires, devenant pour les journalistes un puits sans fond d'informations particulièrement juteux au regard des logiques de productivité imposées dans les rubriques faits divers. Dès lors, pour produire rapidement et à peu de frais un flux journalier d'articles, créer des liens personnels avec un ou des interlocuteurs loquaces et disponibles au commissariat, devient la base du travail des faits-diversiers. Ainsi que le rapportent Jérôme Berthaud, Éric Darras et Sylvain Lorenz, dans un article intitulé « Pourquoi les faits divers stigmatisent-ils ?» Point d'interrogation. Avec une citation. Plus qu'une bonne relation, la collecte des faits divers s'apparente ainsi à une quasi-osmose avec les sources policières ou judiciaires. La journée du fait diversier commence avec au moins 2 heures d'immersion tous les matins dans le milieu policier et se termine par un point par téléphone avec le responsable au PC de police. Entre-temps, certains faits diversiers, plus consciencieux, demeurent branchés sur les talkie-walkies de la police. Fin de citation. Une proximité intégrée par une partie des journalistes et dont ils se prévalent, ainsi que le révèle un second extrait de l'entretien que voici. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Tu imagines? Les gens qui ont été mutés, le jeu des mutations, je connais mieux le commissariat que n'importe quel flic qui arrive de Paris. Et le chef, quoi. Ce sont des maisons de verre qu'on a. On voit comment tout fonctionne. Nous, on s'est donné les moyens d'être comme des poissons dans l'eau au commissariat. À tel point, je pense, qu'au commissariat, on savait plus de choses que les directeurs et les mecs du rang. Fin de citation. Enfin, la croyance et la confiance dans une objectivité de fait des institutions policières et judiciaires explique non seulement que certains journalistes ne remettent pas en cause les informations délivrées par ces sources, mais qu'ils leur donnent en outre l'exclusivité. Nouvelle citation. Le genre fait divers ne suppose pas, dans les routines de travail, la prise en compte d'un point de vue contradictoire, pourtant au principe de l'objectivité professionnelle dans bien d'autres domaines de l'actualité. Sauf à ce que la police soit elle-même mise en cause, l'objectivité relève exclusivement de la reprise des faits, c'est-à-dire des informations officielles, compte rendu d'intervention policière ou décision de justice. Il ne vient pas à l'idée d'un journaliste d'aller solliciter auprès du contrevenant sa version des faits. Mis à part les avocats, pour lesquels les journalistes s'efforcent d'opposer partie civile et défense, les sources policières et judiciaires, le parquet, ne sont pas perçues par les faits diversiers comme des parties défendant un point de vue. Seule une prise de position que l'informateur policier s'apparentant à une opinion politique peut conduire à mettre en doute son objectivité et lui faire perdre son crédit de professionnel expert en sécurité locale. Fin de citation. Des pratiques aussi en vigueur dans la presse nationale. Sur le principe, ces considérations valent également à l'échelle des médias nationaux, c'est-à-dire vis-à-vis des institutions gouvernementales centrales, notamment les préfectures et le ministère de l'Intérieur. Dans leur ouvrage de référence publié il y a 30 ans, Noam Chomsky et Edward Herman décrivent le mécanisme général qui induit la dépendance des rédactions vis-à-vis des pouvoirs publics locaux comme nationaux. Extrait. Les médias sont en symbiose avec de puissantes sources d'informations pour des raisons économiques et du fait d'intérêts partagés. Ils ont impérativement besoin d'un flux continu et stable d'informations brutes. Ils sont confrontés à une demande d'informations quotidienne et à une grille horaire qu'ils doivent remplir. Pour autant, ils ne peuvent se payer le luxe de maintenir en permanence reporters et caméras partout où un événement important peut se produire. Les limites de leur budget leur imposent donc de se concentrer et de concentrer leurs moyens là où les événements significatifs sont les plus fréquents, où abondent fuites et rumeurs et où se tiennent régulièrement des conférences de presse. L'Élysée, le ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Ce sont des épicentres de ce type d'activité. Au niveau local, la mairie et le siège de la police jouent le même rôle. Ces bureaucraties produisent en masse un matériel idéal pour alimenter la demande d'un flux régulier et planifié d'informations qui est celle des salles de rédaction. Fin de citation. Dans un ouvrage paru en 2013, Jérôme Berthaud expliquait même à quel point cette dépendance est construite via des réseaux de sociabilité comme un pilier des formations de journalistes. En voici un extrait. Depuis la deuxième moitié des années 1990, les chefs des informations générales de France 2 ont donné une impulsion décisive au renforcement des contacts avec les autorités de police, de la gendarmerie, de la justice et des secours. Cette préoccupation est toute particulièrement perceptible à l'assiduité des journalistes de la chaîne aux informations délivrées par l'Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, l'IHESI. Tout type de médias confondus, la rédaction de France 2 est en effet celle qui y inscrit le plus de journalistes. Entre 1994 et 2011, 7 journalistes du service Information Générale ont fait partie des promotions de cet institut. Or, en investissant dans ces formations, la chaîne escompte avant tout la création de liens de familiarité avec de futurs responsables de la sécurité. Fin de citation. Les dérives de la dépendance police-justice, police-journaliste. Dans de telles conditions, créant ce que Berthaud, Darras et Lawrence appellent une co-gestion de l'agenda médiatique, comment attendre de ces journalistes qu'ils prennent le risque de mécontenter les sources qui leur fournissent quotidiennement les articles rapidement écrits et sans doute vite oubliés, et qui garantissent le remplissage des colonnes qui leur sont assignées? Le mélange d'intérêts, qui sont aussi des contraintes professionnelles, personnelles et économiques à l'œuvre dans cette relation incestueuse, font ainsi le constat des auteurs résumés à la formule « à source indispensable, compromis, inévitable ». Nouvel extrait. Le fait diversier doit ainsi constamment concilier des exigences de production, trouver chaque jour de bonnes histoires, et faire en sorte que les retombées des articles parus ne nuisent pas aux bonnes relations avec ses sources. Tenir ce rôle suppose des compromis et nécessite d'accepter une forme de coproduction de l'information avec les sources officielles. Même anciennes, les relations tissées avec les sources policières et judiciaires paraissent rester toujours fragiles et peuvent être subitement remises en cause. Tributaire de ces relations sur le fil, le fait diversier délègue souvent à ses contacts policiers le rôle de lui narrer une opération, mais il peut les intégrer plus avant encore dans le processus de fabrication du journal en leur demandant, par exemple, de s'adapter au délai de parution des articles et de fournir des images, comme nos observations l'ont constaté à plusieurs reprises. Les conflits qui peuvent venir troubler cette routine dans ces relations entre quasi-associés, lorsqu'un article pointe les erreurs d'un service de police, doivent rester ponctuels et circonscrits, sous peine de compromettre durablement le processus de fabrication d'une rubrique stratégique. Fin de citation. Nous rapportions en annexe de notre article « François Molin, mon amour de procureur » un événement qui liste précisément les dérives de cette dépendance. Le 17 novembre 2015, le chroniqueur de RMC, Thomas Guénolé, ose consacrer son billet au dysfonctionnement des services de sécurité, ce qui déplaît au ministère de l'Intérieur. Le résultat? D'une part, une quasi-impossibilité de travailler, puisque selon le directeur de la rédaction, la plupart des sources de nos spécialistes police se sont tues suite à cette chronique, mettant en difficulté tout le travail de la rédaction pour obtenir et vérifier des informations. D'autre part, le renvoi du chroniqueur indélicat au motif explicite, si ce n'est d'une intervention directe du ministère, de l'importance cruciale pour l'ensemble des journalistes du média concerné de pouvoir disposer de cette source d'information. Synergie idéologique et sociale. Cette dépendance objective des médias dominants vis-à-vis des sources policières et gouvernementales peut, à l'occasion, se doubler de convergences d'expériences et de vues idéologiques entre journalistes et hauts fonctionnaires. En effet, nombre de journalistes fréquentent bien davantage les policiers et leurs représentants hiérarchiques ou syndicaux que les habitants de la ZAD ou les quartiers populaires dans lesquels ils n'ont pas grandi et où ils ne vivent et ne vivront quasiment jamais. Nombre d'entre eux sont également bien souvent imprégnés de préjugés ou de représentations fantasmées, représentations qui fermentent dans les médias eux-mêmes, et auréolent de ces lieux et les personnages qui les habitent. Une dépendance structurelle des journalistes spécialisés vis-à-vis de l'institution policière qu'a visiblement bien intériorisé le directeur départemental du quotidien Ouest-France pour la Loire-Atlantique, Arnaud Vadzik, qui trouve si naturel et gratifiant professionnellement de pouvoir être le protagoniste d'un reportage embarqué avec les gendarmes lors de l'évacuation de la ZAD, qu'il le fait savoir dans un tweet avec photo à l'appui. Et là, on voit une capture du tweet de Arnaud Vadzik disant « Un groupe de journalistes embarque pour suivre en direct une opération de destruction dans la ZAD !» Point d'exclamation. C'était le 11 avril. Les évacuations des ZAD de Notre-Dame-de-Lande et de Bure en février et avril dernier auront à cet égard fourni un énième exemple des dérives du journalisme de préfecture. Car si de nombreux journalistes ont alors protesté contre les menaces à la liberté de la presse et les conditions de travail auxquelles ils ont été contraints, violence de la part des forces de l'ordre, accès restreint ou interdit au terrain des opérations, etc. D'autres se sont parfaitement accommodés des récits, narratifs et visuels, de la police, qu'ils ont utilisés dans leurs médias parfois sans le moindre recul. Ainsi, ont fleuri au cours des évacuations quantité d'articles et de reportages reprenant, parfois en guise d'illustration exclusive, les vidéos de la préfecture elle-même, et ce, quand bien même des journalistes étaient dépêchés sur place. Là, on voit... je ne sais pas dans quel journal c'est, mais effectivement, une capture d'écran de la vidéo fournie aimablement par la justice. Non, pas par la justice, la vignette est toute petite. Lors des interventions sur Bure. Ça doit être ça dont il est question, le cas de ce JT du 3 mars de BFM TV. C'est donc, BFM TV, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la fabrique conjointe d'images policières et médiatiques. Une reproduction visuelle qui, dans bien des cas, s'est doublée d'un récit journalistique connivant lui aussi, amplifiant la voix des forces de l'ordre, tantôt au gré de communiqués préfectoraux et de tweets du ministère de l'Intérieur généreusement relayés, tantôt indirectement, grâce à des effets de cadrage calqués sur la vision gouvernementale. Des cadrages, faut-il le préciser, hostiles aux zadistes, autant que favorables aux versions des faits servis par les forces de l'ordre. Nouvel exemple de l'état du pluralisme dans nos médias, ce traitement peu empathique, et c'est le moins que l'on puisse dire, de l'édicotocratie envers les personnes mobilisées, aura relégué aussi bien les points de vue les plus critiques, notamment envers les violences policières, que les analyses plus sérieuses aux marges du paysage médiatique. Pendant ce temps, rappelons-le, la diabolisation des zadistes constituait, dans les grands médias, la musique de fond, parfois jusqu'à l'absurde. Et là, on voit une capture de télé, d'un poste de télé de LCI en direct avec le thème de la soirée zadiste, des terroristes comme les autres, point d'interrogation, avec des petits guillemets quand même sur terroristes, parce que bon, quand même, je me permets juste de rajouter très très très vite fait à l'article quelque chose qui n'est pas signalé, c'était les soi-disant photos officielles de la gendarmerie qui étaient parues dans le JDD le 17 décembre 2017, au moment où justement se construisait le récit du terrorisme suspecté sur la ZAD, dont une des quatre photos était une des miennes qui avait été volée. Voilà. Donc, avec une catapulte qui est une vieille réplique et en rien un engin de mort, pas plus que la vision d'un bord de puits avec une grotte intérieure où les gens s'hydratent et se reposent, qui a été détruit depuis, et où il n'y a jamais eu la moindre cache d'armes. Tout le monde le sait désormais, mais c'est trop tard. Voilà, je reprends la lecture de l'article. Version concurrente, une bataille médiatique à armes très inégales. Dans de nombreux cas, les journalistes des médias dominants mettent donc en avant la version des pouvoirs publics et négligent ou ignorent les éléments matériels et les témoignages qui permettraient de la questionner, voire de la disqualifier. Cette tendance tout à fait nette n'est pas une loi universelle et uniforme. Selon les détails des événements, le type de médias, la façon dont les éléments contredisant la version officielle sont portés et défendus, et même le ou la journaliste affectée au traitement de ces événements, l'information produite reprendra les discours préfectoraux ou ministériels avec plus ou moins de distance. Le traitement médiatique de la mort d'Adama Traoré est à ce titre exemplaire, puisque la mobilisation de la famille de la victime, qui s'est parfois confrontée directement aux journalistes sur le traitement réservé à la mort d'Adama dans leurs médias, notamment BFM TV, a permis de faire savoir publiquement que les premières déclarations du procureur étaient fausses, et de donner à leur combat pour connaître et faire reconnaître la vérité un retentissement important, avec plusieurs articles dans la presse internationale. Pourtant, il est indéniable que dans ces batailles médiatiques, la communication des pouvoirs publics a toujours une longueur d'avance sur les éléments qui la contredisent. Relayée plus tôt, reprise dans chaque article, présentée comme plus crédible, cette communication ne peut être critiquée et parfois démontée qu'occasionnellement, dans certains articles et dans certains médias, et parfois sur la base d'une mobilisation très forte dans l'espace public, comme ce fut le cas avec plusieurs manifestations, y compris à Paris, dans les semaines qui ont suivi la mort d'Adama Traoré. De façon schématique, on peut dire que lorsque des violences policières sont suspectées, chaque communiqué ou conférence de presse de la préfecture sera abondamment reprise dans les médias qui traiteront l'affaire. Les représentants des syndicats de police seront longuement entendus, au moins sur les chaînes d'infos en continu. Et lorsqu'il existe des éléments contredisant la communication officielle, ceux-ci seront beaucoup moins facilement portés à la connaissance du public. Avec la production industrielle de l'information et la dépendance structurelle qu'elle implique pour les journalistes vis-à-vis des sources massives d'informations brutes que sont les pouvoirs publics, et en particulier les sources policières, il semble que le journalisme de préfecture ait encore de beaux jours devant lui. Un journalisme qui, comme nous l'avons vu, implique la production et la diffusion d'informations avariées, en particulier concernant les agissements des forces de l'ordre, par et dans les médias dominants. Ces mêmes médias qui, en plein débat sur les fake news et leur toxicité, continuent de pointer du doigt certains sites tout en éludant consciencieusement leurs propres responsabilités. En attendant, les transformations de l'espace médiatique pour lesquels Acrimed milite et qui viseront entre autres à renverser cette dépendance, nous continuerons d'encourager les personnes, les organisations et les titres de presse qui mènent des batailles médiatiques pour faire connaître ou reconnaître la réalité des faits. Et nous continuerons de pointer autant que possible les affaires dont le traitement médiatique est biaisé ou distordu par le suivisme des rédactions à l'égard des récits proposés par les représentants des forces de l'ordre. Voilà, c'est un article de Patrick Michel et Pauline Perrineau. Il contient énormément de renvois vers des sources, évidemment, comme d'habitude, mais en plus, il contient de nombreuses annexes. Annexe 1, qui recense des articles critiquant le traitement médiatique de violences policières. Donc, il y a des articles qui sont sur le site Acrimed, comme le JT de France 2, bref, Adama Traoré est mort. À propos du décès d'un jeune Marseillais, les ratés du journalisme à grande vitesse. Que s'est-il passé, place de la République, information désinformée des journaux télévisés. Que s'est-il passé, place de la République 2, information désinformée sur le saccage du mémorial. Et que s'est-il passé sur la place de la République 3, information désinformée sur les violences et les arrestations. Loi travail, matraquage médiatique sur les manifestations, violence policière en marge des manifestations, les mots pour ne pas le dire, à propos d'un rapport d'Amnesty, médias et violence policière, et désinformation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce dont je parlais un peu plus tôt. Il y a aussi un article sur le site de Contre-Attaque, violence à Villiers-le-Bel, les fake news du ministère de l'Intérieur et du Parisien. Un article sur le site d'Arrêt sur image, main arrachée sur la ZAD, la version absente des zadistes. Il y a une deuxième annexe. Trois exemples de récents et mauvais traitements médiatiques. La parole est à la police. Là, je vais vous le lire, cette deuxième annexe. Le vendredi 15 décembre 2017, quatre jeunes garçons se trouve à l'entrée de la cité Saint-Maurice, dans l'agglomération lilloise. L'arrivée d'une brigade de sécurité de terrain, d'une BST, et la crainte d'un nouveau contrôle, leur fait prendre la fuite en escaladant un mur donnant sur les voies de chemin de fer. Happés par un TER, deux d'entre eux décèdent ce soir-là. Les deux autres sont grièvement blessés. C'est en tout cas l'histoire que raconte Aurélien, l'un des garçons rescapés, à la journaliste de François Région, qui l'interroge quelques jours après les faits. Mais avant la publication de ce témoignage, et ses quelques reprises par France Bleu, Libération et L'Obs, c'est une autre version qui a été abondamment relayée suite à une dépêche AFP et à un article de La Voix du Nord. Autant sur les sites des titres de la presse quotidienne régionale que ceux de quotidiens nationaux, de la presse hebdomadaire, de radio généraliste ou de chaînes d'information en continu. Tous ces articles reprenaient les informations de la Voix du Nord et ou de l'AFP, rapportant que, ouvrez les guillemets, selon les premiers éléments de l'enquête, les jeunes auraient escaladé vendredi soir une grille pour prendre un raccourci et auraient ensuite marché sur les voies ferrées. Fermez les guillemets. La grande majorité de ces médias n'a visiblement pas souhaité publier de correctif ensuite, suite au témoignage d'Aurélien. Et pour ceux qui ont fait état de ce témoignage, ils l'ont accompagné du démenti du procureur, à l'image du site de 20 minutes, qui évoque le témoignage d'Aurélien, mais choisit de titrer l'article Jeanne, tuée par un train à Lille, l'enquête écarte la thèse du contrôle de police. Par ailleurs, si la Voix du Nord donnera toute la résonance qu'elle mérite aux manifestations de colère des habitants de la cité Saint-Maurice décrivant des scènes apocalyptiques des meutes urbaines, elle attribue cette colère à la croyance dans des rumeurs, ce qui revient à ne pas questionner la version policière. Autre fait, la proximité avec les discours policiers caractérisait également le texte d'accompagnement de la vidéo exclusive publiée sur le site d'Europe 1 le 29 janvier qui montrait l'interpellation et l'agression de Théo par un policier de la brigade spécialisée de terrain. Dans cet article, qui ne redonne aucun élément de contexte, les déclarations de Théo et de ses agresseurs sont reprises, mais la parole experte est confiée à deux formateurs de la police spécialistes en maniement du bâton télescopique de la défense et à des enquêteurs de l'IGPN. Difficile de dire si on pouvait attendre de telles sources une véritable indépendance par rapport à l'institution policière à laquelle ils appartiennent, mais toujours est-il que les premiers jugent l'action de leurs collègues proportionnelle et justifiée, quand les seconds estiment que l'élément intentionnel pouvant caractériser le viol n'est pas établi. Quelle surprise ! Autre fait. Le mercredi 7 mars 2018, les habitants de la cité des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne sont témoins ou victimes de la violence d'une équipe de la brigade anticriminalité, la BAC. Une habitante qui circulait en voiture dans la cité est blessée par un tir de flashball. Elle sera aidée par les habitants jusqu'à l'arrivée des secours. Son compagnon, arrivé après avoir été alerté par des voisins, est mis en garde à vue après avoir cherché à obtenir des explications des policiers. C'est en tout cas ce que l'on comprend des différents récits recueillis par Shyaman Asbagh, qui estime que cela lui a pris 2 heures de se rendre dans le quartier, de rencontrer les jeunes, de demander les contacts des témoins de la victime et de recouper les informations. 2 heures. Que le journaliste du Parisien n'a sans doute pas prise pour rédiger son article intitulé « Val-de-Marne, une jeune femme blessée lors de violences urbaines à Villiers-sur-Marne » où toute une autre histoire est racontée, sans que la source nous en soit donnée. Dans la version initiale de l'article mis en ligne le 8 mars, on peut lire qu'une « jeune femme » donc ouvrez les guillemets de 25 ans a été touchée à la suite d'un jet de pierre au cours d'un affrontement entre jeunes et policiers. Mais aussi que, alors que leurs véhicules sont visés par des projectiles, les forces de l'ordre réussissent à interpeller celui qui haranguait ses copains. Pendant ce temps, les autres policiers s'occupent de la jeune femme qui a été blessée. Fermez les guillemets. Une révision de l'article le 12 mars attribuera la blessure de la jeune femme à un projectile. Une formulation plus neutre et permettant au même journaliste dans un autre article de laisser ouverte la question « Que s'est-il passé précisément mercredi soir lors des incidents survenus dans la cité des Hautes-Noues à Villiers ?» Ce second article rétropédale sans phare, accompagnant cette fois-ci le récit développé quelques jours auparavant d'un point d'interrogation. On notera tout de même que dans ce second article, la police parle à l'indicatif, tandis que la parole des habitants est rapportée au conditionnel. C'est le naturel. Annexe 3. Quelques exemples de médias ayant allègrement repris les vidéos et les images de la préfecture lors de l'évacuation des ZAD de Bure et de Notre-Dame-des-Landes. La source est indiquée tantôt grâce au logo de la Gendarmerie nationale, tantôt grâce au crédit renseigné par la rédaction. Du coup, là, il y a pas mal de captures d'écran. Voilà. Donc, ça se termine par... Pardon. Mais ça se termine par... Une des images qui avait été utilisée justement par le journal du dimanche présentant donc le risque de terrorisme sur la ZAD. Donc la légende dit des images dont dispose le service de gendarmerie ne laissent guère de doute. Et en fait, donc c'était en 2017, décembre 2017 que ça a été publié. Et l'image en fait présente les tracteurs lorsqu'ils entouraient les constructions de la châtaigne. C'était en 2012, n'est-ce pas? Et cette photo n'a absolument rien à voir avec des images qui émaneraient de la gendarmerie, puisqu'en fait, ce sont des images officielles de l'AFP, d'un journaliste, enfin d'un photographe. Voilà. Au demeurant, sur aucune des histoires et des affaires citées dans l'article, il n'y a eu suffisamment de rétropédalage, de relativisation, de redescription suffisante pour rétablir le déséquilibre total mis en place par la communication officielle présentée systématiquement comme étant la version à retenir, la version qui relate soi-disant objectivement les faits. Et là, au fur et à mesure des heures qui passent, il s'avère qu'il en va de même pour la mort de Babacar hier soir dans la cité du Breil à Nantes. Et je suis vraiment infiniment désolée pour les épreuves que vont traverser sa famille et ses proches afin de rétablir un minimum de vérité et de justice dans ce qui s'est passé. Voilà, donc la lecture de cet article aujourd'hui me semblait indispensable. Vous pouvez retrouver cet article intitulé Violence policière, la préfecture vous informe sur le site de Acrimed, www.acrimed.org.